Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente le parcours d'une femme aventureuse et indépendante qui a été tour à tour relieuse d'art, journaliste, poète, autrice, marin, soldat et la première à être désignée officiellement comme océanographe en France et au féminin. Je vous dresse le portrait d'Anita Conti, la dame de la mer. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Fabienne Delfour, docteur en éthologie, enseignante vacataire à l'école vétérinaire de Toulouse et autrice. Elle vient nous parler de ses sujets de prédilection, le comportement des mammifères marins et les interactions entre humains et non-humains. Bonjour Fabienne et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Anita Caracocian naît le 17 mai 1899 à Hermont, en Île-de-France, dans une famille aisée. C'est l'aîné de la famille, son frère Stéphane, qui deviendra peintre, et son cadet de 2 ans. On raconte que son père Léon, médecin renommé d'origine arménienne, aurait plongé sa fille, encore nourrisson, dans les eaux froides au large de l'Orient, dans une sorte de baptême avec l'océan. Sa passion dévorante pour la mer et ses habitants daterait de cette première rencontre vivifiante. Enfant, elle vient régulièrement en Bretagne pour les vacances, et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle se réfugie avec sa famille sur l'île d'Oléron. Même si on lui prodigue une éducation suivie avec des précepteurs à domicile, Anita, émerveillée par les livres et la mer, est poussée à découvrir et expérimenter par elle-même. Adolescente, elle s'initie à la photographie et exerce sa plume. Elle écrit notamment de la poésie. Mais à 25 ans, c'est en autodidacte qu'elle se consacre à la reliure, l'art de recouvrir, protéger et sublimer les ouvrages avec des cuirs colorés et précieux. Bientôt, elle est reconnue pour son travail et l'on s'arrache ses créations de Bruxelles à New York. Dans le journal L'Intransigeant, paru le 29 décembre 1931, le journaliste André Malève plonge dans l'appartement cossu de la jeune femme à Neuilly pour y poser des questions sur ses créations originales qui renouvellent l'art de la reliure. Mais ce qui semble réellement l'émerveiller, c'est la présence de colibris vivants, en liberté, qui volettent dans son boudoir, ainsi que celle de lézards verts et d'orvets qui lui tiennent compagnie. Depuis 1927, Anita a pris le nom de son époux, Marcel Conti, un diplomate rattaché à l'ambassade française à Vienne, en Autriche. S'il encourage sa curiosité pour la mer, ils vivent séparément, et la jeune femme voyage régulièrement pour lui rendre visite. Rapidement, les flots la rappellent. Elle se fait embaucher en tant que journaliste et raconte le quotidien des marins-pêcheurs pour plusieurs journaux, comme La République, L'Illustration ou Le Figaro. Elle agrémente ses enquêtes de ses propres clichés. Elle écrit même un article sur l'huître pour le magazine féminin Eve afin de sensibiliser tous les publics. Son travail journalistique attire l'attention d'Édouard le Danois, directeur de l'OSTPM, l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, fondé en 1918 et ancêtre de l'actuel Ifremer, qui l'embauche comme responsable de la propagande, chargé de communication en somme. Anita y voit l'opportunité de se frotter à la houle qu'elle aime tant. Elle embarque ainsi en 1935 à bord du président Théodore Tissier, le premier navire océanographique français. Sa mission ? Suivre au jour le jour le quotidien des chercheurs et de l'équipage. Sur place, elle se forme et note tout. Les animaux pêchés, leurs mesures, la profondeur dont ils sont issus, la température de l'eau, etc. En plus de son travail journalistique, elle cartographie les fonds marins et les zones de pêche, mais prend aussi pleinement part à la vie à bord. Elle ne se plaint jamais, malgré le mauvais temps et le quotidien imbibé d'odeurs de poisson. 12 heures de travail, 6 heures de repos. Elle gagne l'admiration et la confiance des membres de l'équipage, pourtant réfractaires au départ à l'idée d'accueillir une femme à bord. À force de travail et de persévérance, elle constitue les savoir-faire et les connaissances pour être considérée comme la première femme océanographe. En 1939, elle part pour plusieurs mois à bord du Viking pour documenter la pêche à la morue au Spitzberg et au Groenland. Outre les conditions de travail difficiles des pêcheurs, elle fait un constat alarmant. Alors que les morues étaient nombreuses et de belle taille il y a encore quelques années, leur nombre se raréfie de manière très inquiétante. Anita documente, impuissante, les premiers effets dévastateurs de la surpêche. Alors qu'elle revient au port avec le Viking, la guerre éclate. Sa meilleure amie, Pâquerette de Kénétin, lui propose ainsi qu'à sa famille de se réfugier dans sa villa à Cannes. Mais Anita refuse et file à Dunkerque où, grâce aux relations d'Édouard le Danois, elle obtient les autorisations pour monter à bord de dragueurs de mines, des bateaux militaires strictement interdits aux femmes. Des jupons dans la marine? Du jamais vu. Et pourtant, rien n'arrête Anita. Là, elle travaille à repérer et faire exploser les mines. Si elle s'en sort indemne, elle frôle la mort à plusieurs reprises et perd des navires et des camarades. Malgré l'insistance de son mari qui essaye de la retenir dans le cadre protégé de la villa canoise de son ami, Anita part ensuite en Afrique, pour 2 ans, le long des côtes de Mauritanie. On lui demande de venir en aide aux équipages de chalutiers français pour identifier les zones de pêche et des espèces de poissons jusqu'alors inconnues pour être vendu sur les étals français, la guerre empêchant tout approvisionnement dans les eaux du territoire. Elle participe à la mise au point de techniques de pêche et de conservation par le sel de ces poissons afin qu'ils résistent à l'ardent soleil africain et forme ainsi ses équipes. En 1946, même si la guerre finit par s'achever, Anita, elle, ne rentre pas. En tant qu'indépendante, elle se lance sur demande du gouvernement d'Alger pour étudier les techniques de pêche locales. Le but ? Aider les pêcheurs à améliorer leur savoir-faire et ainsi lutter contre la malnutrition de la population. C'est cette ambition qui la guidera jusqu'à la fin de sa vie, faire découvrir l'océan et promouvoir une pêche raisonnée, respectueuse des pêcheurs et des poissons. Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire, Bénin, elle sillonne les marigots et les vasières, le plus souvent en pirogue, et apprend à pêcher comme les locaux. Les requins, alors nombreux, gagnent toute son attention. Elle découvre que leur chair se conserve très bien une fois fumée et que leur foie regorge de vitamine A. Elle est persuadée qu'ils peuvent être une solution à la malnutrition. 1 an plus tard, elle se lance alors dans une aventure avec son amie Pâquerette, en Guinée, afin de créer une pêcherie de requins. Pour la main-d'œuvre, le gouvernement met à sa disposition 500 détenus d'un pénitencier. Niveau droit du travail, ça se pose là. À ceux qui s'inquiétaient de la savoir opposée à des reprises de justice, elle racontera plus tard que ses prisonniers étaient avant tout d'excellents marins qui aimaient leur matériel et respectaient son autorité. Des destructions dues au climat et des soucis financiers la font quitter finalement l'Afrique au début des années 1950. Revenue en Europe, Anita ne se repose pas pour autant. Elle embarque presque aussitôt à bord du Bois Rosé, un chalutier qui vogue direction Terre-Neuve pour pêcher la morue. De cette aventure, elle tire son premier ouvrage grand public, intitulé « Racleur d'océan », publié en 1953. Ses observations rejoignent celles déjà préoccupantes qu'elle avait apportées 20 ans plus tôt sur le Viking. Elle écrit « Un bateau de pêche détecte le poisson, le capture et le tue. Un bateau de pêche est un chasseur et un usinier, jamais il n'est un producteur. Personne jusqu'à présent n'a pu augmenter ou améliorer le cheptel océanique. » Et d'ajouter « Sur le sol terrestre, aujourd'hui, on produit méthodiquement. Dans le milieu océanique, on exploite aveuglément. » Après le succès de ce premier livre, elle raconte ses expérimentations africaines en 1957 dans un nouveau livre intitulé « Géant des mers chaudes ». Afin de poursuivre son travail de sensibilisation, Anita témoigne. Elle donne des conférences, promeut ses ouvrages et alerte autant que possible sur les effets dévastateurs de la surpêche. Elle s'horrifie du gâchis et du nombre de poissons rejetés car jugés trop moches pour finir sur les étals des poissonniers. Elle milite pour que certains poissons jusqu'alors boudés, comme le poisson sabre, un poisson de grand fond au long nez, finissent dans les assiettes plutôt qu'à la poubelle. Qu'importe que leur peau fine arrive écaillée. Elle continue aussi à photographier par tous les temps, sous le vent et sans trépied, le quotidien des travailleurs de la mer, jusqu'à constituer un fond de plus de 40 000 photographies. Un témoignage inestimable. Sur sa pellicule, on peut y croiser des hommes concentrés, sérieux, affairés, l'œil sur un sextant en train de trier le poisson, mais aussi des regards chaleureux et complices, quand on plonge avec elle dans l'intimité du carré, où les marins prennent leur repas, ou encore dans les recoins des cuisines, où le boulanger pose avec fierté. Capitaine, mousse, scientifique, personne n'échappe à son appareil photographique. Les créatures de toutes sortes s'y bousculent aussi. Fou de Bassan, Guimau, Mérou, Requin, Loup de mer, Morue. Une de ces séries de clichés met en image un requin pèlerin de 10 mètres de long ramené à terre en 1958. C'est Anita qui, en plus d'immortaliser le géant, fait les prélèvements qui révèlent la présence de plancton sur les branchies et dans l'estomac de l'animal. Ces informations précieuses seront publiées par Violetta Loss de l'Institut des pêches. Dans les années 60, elle s'essaiera à l'aquaculture, une façon plus raisonnable d'élever des poissons pour la consommation humaine, plutôt que de pêcher aveuglément et en excès des individus sauvages. Elle tente également de mettre au point des systèmes de filets, plus sélectifs, ce qui éviterait d'attraper tout ce qui passe à proximité. Elle finit par renoncer aux deux, consciente que ces pratiques restent encore trop destructrices. Rien n'arrête Anita, qui navigue sur les ponts des chalutiers à travers tous les océans jusqu'à ses 88 ans. Toujours animée par sa passion de la protection des mers, elle continuera jusqu'au bout à défendre ce qui lui est cher. Elle décède à l'âge de 98 ans, à Douarnenez, non loin de ces vagues qui ont rythmé sa vie. Je pense que pour conclure cette chronique, le plus simple est encore de lui laisser la parole. Quand pour un portrait sur les femmes qui réussissent, paru dans la Revue des Deux Mondes le 15 septembre 1960, la journaliste Christine Garnier lui demande ce qu'elle attend de la vie, Anita lui répond. J'en attends aujourd'hui ce que j'en attendais hier, voir réaliser à l'échelle internationale et dans des pays neufs, avec les moyens de mon siècle, l'exploitation du domaine marin. Seules les richesses océaniques paraissent assez considérables pour répondre à l'accroissement vertigineux de la population et avant tout pour supprimer de notre terre la dramatique sous-alimentation. Allons donc aux réservoirs océaniques, mais allons-y rationnellement. Or, jusqu'à présent, que ce soit en mer polaire, tempérée ou tropicale, au large de terres florissantes ou pauvres, il n'y a jamais eu, il n'y a pas un seul exemple d'exploitation logique des mers. Pas un seul exemple de cohérence entre les différents systèmes de pillage aveugle qu'on nomme la pêche et les systèmes d'utilisation et de distribution de la matière vive qu'on a pêchée. Et quand la journaliste la relance sur le pillage aveugle dont elle fait état, Anita s'emporte. La pêche, pensez que les industriels du XXe siècle emploient des méthodes aussi barbares que celles des pêcheurs de jadis. Ils continuent de détruire aveuglément les ressources de leur fortune. Des bateaux de toute nation labourent les hauts fonds où se reproduisent les jeunes poissons. Faites donc une comparaison, et imaginez des champs où passeraient chaque jour les socs des charrues. Le monde scientifique multiplie en vain ses avertissements, organise des réunions en divers pays maritimes, des essais de réglementation restrictive sont tentés contre l'overfishing. Réussirons-nous à nous faire entendre? Sans doute, devant l'imminence de ruines de certaines zones, arrêtera-t-on un peu les ravages? Non pas par sagesse, mais parce que l'exploitation n'est plus payante. Même si le constat lugubre d'Anita Conti était déjà d'une glaçante modernité, il y a plus de 60 ans, son message a fini par toucher le grand public et traverser les années. Il y a encore fort à faire pour combattre la surpêche et respecter la vie qui grouille dans l'océan. Mais l'engagement d'Anita, la dame de la mer, fait écho en chacun de nous. Et nous revoilà avec notre invitée, Fabienne Delfour, docteur en éthologie, enseignante vacataire à l'école vétérinaire de Toulouse et autrice. Elle vient nous parler de ses sujets de prédilection, le comportement des mammifères marins, l'évaluation du bien-être animal et la relation entre animaux humains et non humains. Alors, en tant qu'éthologue, vous êtes spécialiste de l'étude du comportement animal, mais vous êtes spécialisée sur celui des mammifères marins. Avec quels animaux avez-vous travaillé principalement au cours de votre carrière? Alors, j'ai commencé avec les orques. À Vancouver, plutôt hein, l'aspect acoustique. C'est qu'après que je me suis tournée vers le comportement. Et ensuite, j'ai enchaîné beaucoup avec les grands dauphins. J'ai passé 30 ans à étudier les grands dauphins. Les dauphins tachetés aux Bahamas, les dauphins à long bec à Hawaï, mais aussi maintenant à La Réunion. Et puis plus récemment, cachalots et baleines à bosse. Donc oui, un très large éventail avec des animaux qui ont des structures sociales très différentes. Totalement différentes, oui, oui. Alors, ils sont vraiment polymorphes. Et puis aussi, dans leur organisation sociale, on a des animaux qui sont plutôt solitaires. J'ai oublié d'ailleurs de parler des lamantins que je vois là. Donc voilà, on pense que les lamantins sont plutôt solitaires. Les grands dauphins ont des petites structures sociales d'une dizaine d'individus. Puis on a les dauphins lombés qui ont une centaine d'individus. Ah oui, donc, ça peut faire des groupes de cette taille-là. Oui, oui, oui. Mais à chaque fois, ce sont des animaux, c'est vrai qu'on imagine assez sociaux, avec des groupes à géométrie variable, où la communication vocale est quand même souvent très importante. C'est ça qui vous intéressait tout particulièrement pour ces animaux ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers les mammifères marins ? Alors en fait, ce n'était pas du tout mon premier choix, les cétacés. Je voulais étudier les éléphants. D'accord. Il y a quelques liens. C'est la taille. Voilà. Ouais. Donc, non. Alors, je voulais étudier les éléphants. Et alors, je suis de la génération où on n'avait pas Internet et tout ça. Donc, les premiers contacts qui ont répondu favorablement à ma demande de stage, c'est un bioacousticien qui s'appelle le docteur John Ford au Canada. Et donc, lui travaillait essentiellement sur les dialectes des orques. Et dans son laboratoire, j'ai découvert vraiment la bioacoustique. Et ce qui m'a frustrée en travaillant avec lui, c'est le fait de ne pas voir les animaux. Mmh. Donc, on passait beaucoup de temps sur les bateaux. On plongeait des hydrophones. C'était magnifique parce que voilà, le monde du silence, on l'avait dans les oreilles. Mais je ne voyais pas ce qui se passait. Ouais. Et en fait, à la fin de ce stage, je me suis dit, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux étudier le comportement. Pourtant, on peut se dire qu'en nature, alors on y reviendra. C'est compliqué aussi d'étudier le comportement des dauphins parce qu'ils ne vous attendent pas, les animaux. Déjà, il faut savoir où ils sont, il faut les trouver et puis ils se déplacent très vite. Comment est-ce qu'on peut davantage interagir avec eux? Parce qu'on se dit que ce n'est pas évident. Alors, il faut accepter d'être opportuniste. Il faut accepter de passer 10 jours et de trouver rien. Voilà, d'être solitaire sur un bateau. Donc, si on est carriériste et qu'on veut beaucoup, beaucoup de publications, c'est pas trop... C'est pas le bon sujet. C'est pas du tout ça. Mais après, je pense qu'il y a, des endroits où on peut les trouver plus facilement. Et après, c'est aussi monter des collaborations avec des personnes qui travaillent in situ, donc qui sont là de manière régulière et fréquente. Donc, c'est le cas des associations, par exemple, locales, qui vont avoir vraiment une base sur place. Et puis aussi, être amené à travailler avec des personnes qui travaillent sur des très, très longs termes. Ouais, c'est ça. Parce que les groupes, après, vous parlez des cachalots, c'est vrai que je sais qu'au niveau du suivi, on identifie les groupes familiaux, on sait où ils sont. C'est ça. Je sais pas si on peut les marquer. Parce que alors, il y a eu, à une époque, pas mal de marquages qui ont été faits. Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes ces réflexions autour des sciences qui deviennent de moins en moins intrusives, on a quand même un peu plus de réticence à faire ce type de marquage. Ça peut avoir un impact sur très l'animal. Fort. Ouais, ouais. Et puis quand on étudie le comportement, vous marquez un animal et puis il fuit, voilà, c'est un peu dommage. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que lors de mon postdoc à Hawaï, il y a une chercheuse américaine qui est venue visiter le labo qui s'appelle Denise Herzing. Et on a travaillé 2 jours ensemble, je ne savais pas du tout qui c'était cette personne. Et au bout de ces 2 jours, elle m'a dit mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi? Je travaille aux Bahamas sur les dauphins tachetés. Et je veux étudier la cognition, donc les capacités cognitives de ces animaux en milieu sauvage. Donc ça, on était en 2000 et c'était pour moi l'opportunité d'aller travailler avec quelqu'un qui déjà a travaillé depuis une dizaine d'années sur cette population. Et donc, il était capable d'identifier visuellement les animaux grâce aux marques. Donc là, c'était... C'était pas partir vraiment dans un terrain inconnu, puisqu'elle avait quand même cette connaissance des individus. Donc là, c'était l'opportunité de pouvoir poser des questions un peu plus individuelles à un groupe d'animaux sauvages. Donc il y a cette possibilité-là. Après, il faut aussi travailler avec des personnes qui acceptent d'aller à l'eau avec les animaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis c'est pas évident, oui. Et puis on se retrouve avec des animaux sauvages, même si en théorie... ils ne sont pas particulièrement agressifs, quoique. Oui, oui. C'est vrai que... Y a le mythe du gentil dauphin, mais en fait, pas du tout. Quoi. C'est, et notamment le grand dauphin, celui qu'on retrouve en parc zoologique. Souvent, il est qualifié de gentil, joueur, intelligent. Et en fait, c'est des mercenaires des mers. Quoi, parce que c'est vraiment les mauvais garçons en milieu marin, quoi. Ce sont des animaux, il suffit de voir aussi, ils sont balafrés de partout. Ouais. Et puis, ils sont bagarreurs, quoi. Mmh. C'est pas les plus gentils. Et c'est marrant parce que le grand public a cette image vraiment... Ouais, les gens adorent les dauphins, c'est avec les chats et les chevaux, des animaux, alors qu'il y a des comportements. Alors voilà, il faut remettre dans le contexte, c'est leur comportement naturel, il y a aussi des explications à cette agressivité. Mais on enjolive beaucoup plus et les gens sont souvent choqués de dire qu'il peut y avoir des comportements répréhensibles à nos yeux chez les dauphins. C'est ça, tout à fait. Donc déjà, on les imagine asexués. Alors que pas du tout. Et puis oui, ils sont toujours gentils, toujours de bonne humeur, ils sont toujours conciliants, toujours prêts à interagir de manière positive. Et non, pas du tout. Enfin, ils vivent en société. Dans cette société, il y a des événements positifs, mais il y a aussi des événements très désagréables. Donc il y a des agressions, il y a des pertes d'animaux, il y a de la prédation. Donc il faut bien imaginer que, vouloir rencontrer les animaux, il faut aussi que cette rencontre se fasse à un moment où eux sont d'accord pour que cette rencontre se mette en place. Complètement. C'est pas toujours le cas. Mais sur vos travaux dont vous parlez, donc d'études de la cognition, donc les capacités de mémoire, ce qu'on appelle grossièrement l'intelligence en milieu naturel, comment est-ce que ça se passe ? Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a cette distinction entre le labo où souvent on fait de la cognition parce que c'est plus simple, parce que les animaux sont là, ils sont habitués à l'être humain, etc. Et le milieu naturel où souvent on s'interroge davantage sur leur écologie, comment ils vivent dans leur milieu. Comment est-ce que l'on pose des questions sur l'intelligence des dauphins en milieu naturel ? Alors, c'est vrai qu'en laboratoire, l'avantage, c'est qu'on peut contrôler tous les paramètres. En milieu naturel, on ne contrôle rien. Pas grand-chose, il y a la météo, il y a plein de trucs. Oui, la météo et même les individus qui viennent. Ouais. Donc là, on est vraiment dans l'opportunisme. Mais on peut poser des questions, par exemple, sur les apprentissages. Comment se passent les apprentissages sociaux ? Comment les mères éduquent leurs petits ? Est-ce qu'il y a des mémoires qui se mettent en place, des traditions qui peuvent aussi s'instaurer. Donc je pense qu'il faut juste imaginer d'autres questions, plus centrées sur ces animaux sauvages dans cette écologie qui est très particulière. Et après, c'est vrai que les cadres construits d'études sur le long terme, comme Janet Mann là, en Australie ou Denise Herzing aux Bahamas, là, ça ouvre un cadre qui est beaucoup plus intéressant pour des personnes qui sont intéressées par l'éthologie cognitive, puisqu'on peut vraiment individualiser les dauphins. Donc, on sait que cette femelle, déjà, on peut identifier si c'est un mâle ou une femelle. Elle est juvénile, elle est adulte, c'est la mère d'eux ou la fille d'eux. Et donc là, ça pose aussi un autre cadre explicatif sur les questions qu'on peut poser. Et d'un point de vue purement pratico-pratique, est-ce que l'on passe beaucoup par de la vidéo ? Parce qu'on est sous l'eau avec des animaux marins. Malgré tous nos efforts, on est incapable de les suivre à la vitesse où ils se déplacent. Est-ce qu'il y a des zones restreintes géographiques où les animaux peuvent venir de leur plein gré ? Comment est-ce qu'on met ça en place ? Alors, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est-à-dire on ne peut pas les obliger aussi à venir. Et on a des difficultés à les suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de créer un cadre qui est d'une confiance mutuelle, où ce sont les animaux qui vont prendre l'initiative d'eux. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup appris aux Bahamas avec Denise Herzing, qui, elle, part 10 jours en mer. Et en fait, on est à la disposition des animaux. Donc oui, on fait des transects, on cherche les animaux et on se propose. Voilà, s'ils veulent, ils peuvent interagir avec nous. Et là, du coup, des animaux aussi apprennent qu'avec ces gens-là, il y a des choses qui sont possibles de construire. Et dans ces échanges, il y a vraiment l'opportunité d'ouvrir des fenêtres sur des mondes qui sont totalement différents. Et puis, c'est intéressant parce que je pense que les dauphins se posent aussi des questions sur qui nous sommes. Et donc voilà, il y a la possibilité de construire ce type d'études dans ce cadre-là. Après, par exemple, à La Réunion, là, je suis totalement opportuniste. J'ai pas ce suivi-là, j'ai pas 30 ans derrière moi pour poser sur la société donc, de dauphins. Donc je sais pas. Et là, je suis extrêmement opportuniste. Sur les rencontres, je sais pas, je les sexe, mais c'est à peu près tout, quoi. Mais donc beaucoup avec de la vidéo ? Alors oui, pour revenir à... Alors beaucoup avec de la vidéo parce que ça permet d'avoir une trace sur ce qui s'est passé. On peut revoir aussi. Oui, parce que quand vous nagez avec un individu, c'est facile de le suivre. Quand vous nagez déjà avec 5, c'est compliqué. Et au-delà, c'est extrêmement compliqué. Donc la vidéo permet d'avoir une trace de la rencontre et après de retravailler dessus. Mais c'est une vidéo qui est aussi incrémentée par beaucoup de sons, puisque l'idée c'est de faire des corrélations entre le son et le comportement. Donc là, ce que vous faites à La Réunion, vous étudiez la communication vocale, c'est surtout ça qui vous intéresse ? Alors, on a monté un projet qu'on appelle éto-acoustique, parce que je suis éthologue, donc je revendique la partie éthologie, et acoustique parce que on a... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dauphins, quand ils vocalisent, ne manifestent pas de particularité, ils ne vont pas ouvrir la gueule. Donc on ne le voit pas du tout. Donc voilà. Et dans l'eau, le son va beaucoup plus vite que dans l'air. Donc, quand vous êtes en piscine ou en mer, vous immergez, vous sentez bien le son arriver, mais vous ne pouvez pas dire dans quelle direction. Donc, on a des vocalisations, on n'arrive pas à les localiser dans l'espace, on a des émetteurs qu'on n'arrive pas à identifier. Donc, avec l'association Abyss à La Réunion et le CNRS, on a construit un dispositif qu'on a appelé cétoscope, qui est doté d'une caméra en 360 degrés, donc qui permet d'avoir une prise sur la totalité de la scène, et des hydrophones, 4 en l'occurrence, qui permettent de prendre le son dans toutes les directions. On enregistre tout ça, on synchronise la vidéo et le son, et on a des ingénieurs qui nous ont construit un programme qui permet de localiser la source sonore. Et quand on a de la chance, ce point correspond à un dauphin. Donc on a du coup l'émetteur des vocalisations. Et ça, c'est une première, parce que jusqu'à présent, on en était vraiment incapable. Donc là, grâce à ce dispositif-là, vous pouvez savoir qui crie, qui siffle, enfin, qui est l'émetteur du son, alors que c'est vrai que jusqu'à présent, vu qu'on n'a pas moyen de voir, etc. Et est-ce que vous avez des informations sur ce qu'ils se disent, sur la nature ? Est-ce qu'ils se donnent des informations sur il y a un danger ? Est-ce qu'ils échangent d'autres choses sur leurs émotions, leurs ressentis ? Est-ce que ça, il y a un moyen de le savoir ? Alors, il y a 3 types de sons. Il y a des clics d'écholocalisation qui sont plutôt destinés à de la navigation. Donc, quand on entend des clics, on sait que plutôt ce sont des animaux qui sont en recherche, soit de direction, soit une recherche alimentaire. On a des sifflements. Donc, dans ces sifflements, il y en a un en particulier qui a une fonction très spécial, puisqu'il y a ce qu'on appelle une signature sifflée. D'accord. Donc moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille et Fabienne, c'est ma particularité. Et en fait, chez les dauphins, on va retrouver ça. C'est-à-dire, en regardant le spectrogramme, la forme indique la lignée et puis il y a un petit truc qui change, qui montre la particularité, la singularité d'un individu. Et ensuite, on a une très, très grande catégorie, ce qu'on appelle des sons pulsés, qui peuvent être des couinements, des braillements. Tous ces sons-là sont dévolus à des interactions sociales. D'accord. Donc déjà, avec ces 3 catégories, on arrive un peu à contextualiser. Et après, ce qui va nous donner le sens de la vocalisation et la fonction, ça va être le contexte. Donc on sait qu'il y a des sons qui sont produits dans des situations plutôt agressives, d'autres dans des situations plutôt positives. Mais on est incapable aujourd'hui, quand on a une bande sonore de vocalisation de dauphin, d'extraire un son et se dire « là, il veut dire ça ». Ouais. Puis j'imagine que c'est très lié au contexte aussi. Non seulement il y a le groupe, tels individus interagissent à un moment donné, et puis s'ils sont en recherche de nourriture, s'ils croisent un autre groupe de dauphins, s'ils interagissent avec l'humain même. C'est ça. La présence de l'expérimentateur humain peut aussi influencer ce qu'ils vont se raconter, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, surtout la première fois, c'est-à-dire la première rencontre est aussi impactante pour l'humain que pour l'animal. Donc c'est vrai que là, quand on parle d'interaction ou de communication interspécifique, donc humain-dauphin, c'est un peu plus compliqué. Mais avec le projet là, de Denise Herzing, ça fait 30 ans qu'elle s'immerge avec cette communauté de dauphins. Donc je pense qu'il n'y a plus cette réticence vis-à-vis d'humains nouveaux. Et donc là, parfois, ils nous ignorent totalement, ce qui est génial, quoi, parce qu'on est des témoins un peu comme ça, au coin de la porte. Et puis, parfois, ils viennent aussi initier des rencontres, donc des jeux, des choses comme ça. Donc, c'est effectivement le contexte qui va donner le sens de cette communication. Mais ça n'empêche pas de se tromper, quoi. Nous ne sommes pas des dauphins. Malgré tous nos efforts, c'est vrai que c'est difficile de savoir même leur perception du monde. C'est vrai que ça leur est vraiment propre. Donc, vous l'avez dit, vous avez donc travaillé aussi donc, avec les grands dauphins, mais également en milieu captif. Vous avez travaillé à la fois en milieu naturel et en milieu captif. Et du coup, je voulais voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux milieux? Parce qu'on ne se pose pas les mêmes questions, j'imagine. Alors, j'ai appris cette méthode de travail avec John Ford. Donc, c'était dans les années, début des années 90, quand je suis partie à Vancouver, travailler sur les orques, aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel. Et en fait, c'est très complémentaire. Effectivement, on ne va pas poser les mêmes questions, mais les deux sont extrêmement enrichissantes. Après, je pense qu'il y a une facilité en tant que scientifique à travailler en parc zoologique, parce que comme vous le disiez, les animaux, ils sont là. Il n'y a pas à les chercher. Voilà, on les a bien identifiés, etc. Donc, il y a une facilité. C'est assez confortable, du coup, pour des chercheurs. Ça l'est beaucoup moins en milieu naturel. Après, ce qui m'intéressait, c'était toujours cette approche de l'éthologie qu'on appelle constructiviste, qui est plus centrée sur l'individu. Donc, finalement, quand on travaille avec des personnes qui ont identifié une communauté de dauphins depuis 30 ans, j'arrive à peu près à poser les mêmes questions. Ouais. Donc, j'ai pas du tout ce schisme que peuvent avoir d'autres approches, parce que je pense vraiment être capable d'avoir à peu près les mêmes thématiques de recherche, aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel. Alors, c'est vrai que la question de la captivité des animaux est un sujet brûlant, qui est vraiment revenu sur le devant de la scène, d'autant plus avec les cétacés. C'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui est encore plus matière à polémique. Est-ce que aujourd'hui, objectivement, on a moyen de mesurer le bien-être des cétacés en parc zoologique, et quels sont les résultats des études en question? Alors, c'est une question qui est tout à fait d'actualité. Alors, la science du bien-être animal, elle s'est développée depuis, vraiment, grandement développée depuis une dizaine d'années. D'accord. Et Le bien-être animal n'est pas tout neuf. Par contre, il y a une nouvelle approche qui est apparue, notamment parce qu'on a intégré dans cette étude du bien-être animal des éthologues. C'est vrai qu'auparavant, ce bien-être animal était dévolu aux vétérinaires. Donc, ils traitaient plutôt l'aspect physique. Donc, le bien-être, c'était bien se porter. Et puis, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Et on a mis un pied dans la sphère mentale des animaux. Donc, c'était plutôt le bien se sentir. En anglais, il y avait cette distinction. Il y avait le welfare, qui était bien se porter, et le well-being, qui était le bien se sentir. En français, on n'avait pas cette distinction-là. Et il a fallu attendre vraiment 2018 avec la définition de l'ANSES sur le bien-être animal, qui fait vraiment la part belle aux émotions de l'animal et à la cognition. Alors, ayant dit ça, on a besoin, du coup, d'indicateurs sur la physiologie et d'indicateurs sur le comportement. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen d'étudier objectivement le bien-être des dauphins? Non, mais on y travaille. Donc, il y a un comité de bien-être dont je fais partie, qui appartient à une association européenne, qui travaille depuis 5 ans à l'élaboration de cet outil-là. Donc, on a une cinquantaine d'indicateurs qui ciblent aussi bien la physiologie que la cognition, que le comportement, et qui visent vraiment à évaluer de manière objective le bien-être des animaux. Aujourd'hui, donc en 2022, bientôt 2023, il y a une seule grille qui est validée scientifiquement. C'est la grille qui a été montée par les Lions en Angleterre et qui vise les éléphants. D'accord. Mais on n'a aucun autre outil validé scientifiquement. Il y a des grilles de suivi, mais un outil scientifique qui mesure le bien-être animal, il n'y en a pas. Mais ça veut dire qu'on se base sur... Donc, vous parlez de physiologie, de comportement. Est-ce que visuellement, on peut voir... Alors, c'est un peu compliqué parce que les dauphins, justement, ils n'ont pas de mouvement d'oreille comme les éléphants ou ce genre de choses. Est-ce que juste sur leur posture, sur, je ne sais pas, la forme de leur bouche au niveau de leur rostre, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mesurer? Alors, il y a des indicateurs. Déjà, rien que par l'aspect global des animaux, on peut avoir des animaux qui sont dénutris et du coup, on va avoir les côtes qui apparaissent. Derrière la tête des dauphins, là, ce melon, on peut avoir vraiment un creux. Donc, on a déjà des critères assez forts. Il y a l'aspect aussi de l'épiderme. Il y a des maladies, etc., des blessures. Donc, voilà. Après, effectivement, contrairement à d'autres animaux, il y a une très petite expressivité. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Ils ont, en tout cas, pour nous humains, c'est très différent. Alors, c'est intéressant parce que C'est vrai dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire ils sont peu expansifs dans leur expression de mal-être et peu expansifs dans leur expression de bien-être aussi. Et après, quand on connaît ces animaux-là, il y a des tonicités qui peuvent varier, il y a des apathies qu'on va voir, il y a des animaux qui vont être plus en retrait, il y a des... Il y a des mouvements de nage aussi qui sont plus ou moins chaotiques. Donc, on a des petits indicateurs comme ça sur le comportement. Après, pour accéder à la sphère émotionnelle des animaux, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais là, les indices dont vous parlez, j'imagine que pour le coup, les soigneurs sont d'une grande aide parce qu'ils côtoient les animaux au quotidien. Et le fait est que dans les milieux captifs, les soigneurs connaissent parfaitement leurs animaux. En général, ils savent très bien quand ils vont bien ou non. Exactement. Et du coup, ils sont mis à contribution dans ces grilles d'évaluation. Parce que vous avez tout à fait raison. En fait, c'est la familiarité avec l'individu qui permet de dire si ça va ou si ça ne va pas. Et je me souviens, moi, un matin, être arrivée au delphinarium du parc Astérix. Et on était prêts à mettre en place une étude. Et là, j'ai les soigneurs qui sont arrivés, ils disent non, mais ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les animaux, enfin les dauphins, il y en a qui sont fatigués. Je dis, ah bon ? Ils me disent, oui, regarde, elle a de petits yeux. Et là, je me suis dit, comment elle peut voir qu'elle a des petits yeux ? Et effectivement, c'est comme avec nos animaux familiers. Enfin, on sait quand ça ne va pas. On sait quand ça ne va pas, mais mettre le doigt sur ce qui ne va pas, on ne peut pas précisément, mais c'est un tout. Et ces soigneurs animaliers ont cette connaissance-là. Donc, utiliser ces savoirs, qui ne sont pas du tout structurés, hein, mais les structurer dans un outil, oui, c'est très intéressant. Puis un outil qu'on pourra étendre et qui soit utilisable par tous. C'est vrai que ça serait vraiment très utile. Alors ensuite, donc vous l'avez évoqué, il y a un autre animal sur lequel vous vous concentrez. Vous encadrez à l'heure actuelle des travaux de thèse qui portent sur le comportement d'un animal méconnu mais perçu très différemment du dauphin, qui est le lamantin. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ces animaux et qu'est-ce qui vous intéresse dans leur comportement ? Alors, bah justement parce qu'ils étaient un peu délaissés, donc voilà, ils n'étaient pas très jolis non plus. Donc oui, c'était un peu les parents pauvres de la cétologie. Et puis c'est le fait aussi qu'on les considère comme des animaux pas très intelligents, pas très beaux, pas très sociaux. Mais en fait, tout ça, c'est basé sur rien, parce qu'on ne leur a jamais posé de questions. Donc, l'idée, c'était de voir si on ne pouvait pas justement déconstruire cette image-là et construire autre chose qui était plus juste pour ces animaux. J'ai proposé ce sujet de thèse. Et donc, maintenant, c'est Aviva Charles qui fait cette thèse au Muséum d'Histoire Naturelle. Et l'idée, c'est de commencer au tout début, donc savoir qui ils sont, quelle est leur cognition, enfin, leur capacité sensorielle aussi, leur vocalisation, voilà. Et on les pensait plutôt solitaires et on s'aperçoit que pas du tout. Quoi. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, on va mieux connaître un peu plus. Parce que c'est vrai que pour remettre en contexte pour les auditeurs auditrices qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble, c'est vrai que le lamantin, on se moque un peu, on dit que c'est l'origine des sirènes, comme quoi les marins, quand ils n'avaient pas vu de femmes depuis très longtemps, ils auraient pu les confondre. Donc c'est des animaux volumineux, parce que c'est des gros animaux. C'est des gros animaux. Qui broutent sur le fond de l'herbe. C'est ça. Moi, je sais qu'ils ont pas mal de soucis avec les bateaux, parce que des fois, ils rentrent en collision avec les hélices et que c'est un vrai souci pour leur survie. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au niveau même de leur vie sociale, c'est pas grand-chose, en fait. Mais parce qu'on s'est jamais vraiment intéressé à ça. Poser la question. Non. Et puis, franchement, quand on a commencé à faire l'état des lieux, l'état de l'art en science sur la cognition des lamantins, il n'y a rien. Y a rien du tout, ouais. Et pourtant, ce sont des animaux qui migrent, qui se retrouvent à certains endroits. Donc, à minima, je pense qu'il y a quand même des histoires de cognition spatiale, d'apprentissage, voilà, de mémoire, de transmission aussi. Mais on n'a jamais regardé comment ça fonctionnait chez ces animaux. Et les petits restent un petit peu avec leur mère, non ? Il y a un certain temps quand même, parce qu'ils ont une maturation assez lente, il me semble. Oui, alors ça, c'est pareil, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Par contre, il y a vraiment des vrais comportements maternels qui sont mis en place. Sûrement des styles maternels aussi qu'on pourra probablement mettre en évidence. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Sur les lamantins, eh bien, on ne désespère pas. Eux aussi, il faut leur poser des questions. On vous laisse siffler et cliquer comme les dauphins ou souffler comme les lamantins le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Dans la mer, un poisson vert soleil est à l'envers et moi je descends. Dans ma tête passent des homins et des méduses aux cheveux de verre et des vagues d'étoiles de mer nagent comme un rêve bizarre et roule sans fin dans la mer. Un poisson Le poisson vert de Gérard Gray, extrait de la compilation With French Psychorama 1966-1974, volume 4. Vous êtes toujours sur Campus FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie et nous retrouvons notre invitée Fabienne Delfour, docteure en éthologie, enseignante vacataire à l'école vétérinaire de Toulouse et autrice. Spécialiste du comportement des mammifères marins, elle nous présente ses sujets de recherche qui abordent aussi l'évaluation du bien-être animal et les interactions entre les humains et les autres animaux. Alors, je voulais revenir avec vous sur donc une thématique différente. Donc, on a parlé des mammifères marins dans la première partie de cette émission. Un autre aspect de vos recherches est voilà, cette relation entre humains et autres animaux et l'évaluation du bien-être qu'on a déjà un peu évoqué. En ce moment, ça revient pas mal sur le devant de la scène. On parle souvent de la médiation animale. En quoi est-ce que cela consiste exactement ? Alors, cette médiation animale est une pratique qui est vraiment développée, qui est aussi développée aussi bien dans des instituts plutôt hospitaliers. Donc, on va avoir par exemple des chiens qui vont visiter des personnes dans des EHPAD. Mais ça peut être aussi des activités dans des associations ou dans des milieux scolaires ou périscolaires. Et l'idée est que l'animal peut aider les personnes aussi bien d'un point de vue social, psychologique ou physiologique. On sait par exemple que les présences animales peuvent calmer certaines personnes, même en institution pour les personnes âgées. Donc il y a vraiment des bienfaits qui sont montrés. Des bienfaits aussi bien sur des troubles physiques que mentaux ? Oui. Ouais. On a par exemple, il y a des études qui montrent qu'en caressant des animaux, on a les battements cardiaques qui diminuent, des personnes qui s'apaisent, etc. Et après, l'idée d'interagir avec un animal nous place dans une interaction qui est sans jugement, contrairement avec une interaction humaine où on est toujours à se questionner sur est-ce que ce que je dis, c'est compris, bien compris, que pense l'autre, et puis aussi à interpréter ce que l'autre nous envoie. Donc avec l'animal, il n'y a pas ce jugement, ce qui en fait une relation beaucoup plus sereine. Apaisé. Ça, c'est a priori, oui. Ok. Et est-ce que cette médiation animale, elle se pratique avec des animaux très différents ? Alors, beaucoup d'animaux domestiques, donc beaucoup de chiens. Après, il y a tout un volet sur l'équithérapie, donc avec les chevaux. Donc, autant les chiens, ça va être des petits animaux qu'on va pouvoir amener un peu partout. Les chevaux, c'est un peu différent et on va beaucoup travailler aussi les postures, la motricité. Donc, il y aura beaucoup de programmes qui vont être mis en place par des psychomotriciens ou motriciennes. Donc voilà, essentiellement ça. Des nacs, on voit apparaître, donc les nouveaux animaux de compagnie aussi, qui rentrent dans la médiation animale. Et il y avait aussi cette thématique de delphinothérapie qui a été vraiment développée dans les années 80. Alors ça va être ma question, est-ce que tous les animaux font de bons médiateurs? Est-ce qu'il y a des animaux, que ce soit à l'échelle de l'espèce, est-ce qu'un dauphin sera un meilleur médiateur qu'un chien, mais aussi au sein de l'individu, est-ce que tous les dauphins seraient des bons médiateurs? Ou est-ce qu'il y a un travail de sélection sur la personnalité, sur le comportement d'un animal, pour que ce soit un bon allié dans ce cadre-là? Alors, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une rencontre entre deux individualités, j'allais dire même deux subjectivités. Ce qui est beaucoup décrié aujourd'hui en médiation animale, c'est que souvent, il y a un chien pour 10 personnes ou un chien qui va visiter je ne sais combien d'EHPAD. Donc, en général, oui, il y a une sélection. Ce qu'on veut, ce sont des animaux qui puissent accepter et tolérer ces pratiques-là. Donc, on va avoir des animaux extrêmement conciliants, qui sont prêts à faire plein de choses pour leur compagnon humain et avec leur compagnon humain. Est-ce que c'est bien pour l'animal? J'en suis vraiment pas sûre. Et oui, il y a une sélection sur les personnalités, sur l'acceptation des bruits autour aussi, et des conditions aussi particulières. Il y a beaucoup de contraintes en fait dans cette médiation animale pour l'animal. Et justement, est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent au ressenti de l'animal lors de séances de médiation? Est-ce qu'on s'intéresse surtout à l'effet bénéfique sur les patients? Mais c'est vrai que là, on parle d'interaction un peu forcée. C'est vrai que le chien, si on l'amène en EHPAD, lui, il vient avec son humain, mais tous les autres humains qu'il rencontre là, il ne l'a pas forcément voulu. Alors, c'est exactement ce qui me préoccupe, parce que je pense qu'effectivement, les bienfaits de cette médiation pour les humains ne sont plus à démontrer. Voilà, on a une quantité d'études là-dessus. Les études sur l'animal en médiation animale sont vraiment cantonnées à des études de stress visant le cortisol. Or, on sait que cette mesure, elle est assez problématique à analyser. Et donc, il y a très très peu d'études sur les manifestations d'inconfort de l'animal en situation. Parce que oui, effectivement, il y a énormément de contraintes pour ces animaux-là. Donc l'idée, c'est de réfléchir à ça, et il y a un DU qui a été mis en place à Paris-Sorbonne par Christophe Blanchard, qui vise vraiment à faire réfléchir sur cette pratique-là, mais du côté de l'animal. Souvent, ce qu'il dit, c'est ce qui m'intéresse, c'est les deux côtés de la laisse. Donc les deux extrémités, aussi bien l'humain que le chien. Et dans ce DU-là, on questionne vraiment cette pratique-là dans la perspective de l'animal. Qu'est-ce que c'est pour un chien que de faire de la médiation animale? Et c'est vrai qu'on parlait d'animaux domestiques, mais on mentionnait la delphinothérapie avec des dauphins qui sont par essence des animaux qui ne sont pas domestiqués. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé ou au contraire, comme on le disait, ce sont des animaux qui ont une grande force, qui peuvent peut-être être agressifs, apeurés? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif ou finalement on n'est pas trop sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser des dauphins en médiation animale? Alors, quand la delphinothérapie a été mise en place aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés, qui montraient à quel point c'était bénéfique pour les personnes et à quel point c'était formidable. Et puis là, il y a eu un virage vraiment fin des années 90, où on s'est aperçu que c'était pas si formidable que ça pour les animaux. Et puis les bénéfices, on nous avait un peu survendu la delphinothérapie en disant voilà, c'est formidable, ça guérit tout, et notamment l'autisme. Alors bon, voilà, et ils mettaient en avant la capacité des dauphins à produire ces clics d'écholocalisation, et donc leur sonar, leur biosonar, si on lisait les écrits, aurait eu donc tendance à guérir de l'autisme, ce qui était totalement faux. Et quand on a placé des hydrophones dans les bassins, on s'est aperçu qu'en fait, les dauphins, ils cliquaient pas tant que ça. Et donc, je pense que c'était dans les débuts des années 2000, j'ai encadré une thèse en psychologie. Et donc, l'étudiante a regardé ce qui se passait aussi bien pour les enfants que pour les dauphins. D'abord, on s'est aperçu que c'était deux communautés de vivants qui se partageaient l'espace, mais il y avait très très peu d'échanges. Ouais. Et quand il y avait des échanges, ils n'étaient pas obligatoirement positifs, ni pour les enfants, ni pour les animaux. Donc pour certains enfants, être dans l'eau, ça apaise, ça calme. être en présence d'un dauphin, ça peut aussi être apaisant. Maintenant, il faut imaginer que vous avez un truc qui fait 300 kilos, quoi, qui arrive, qui est extrêmement véloce dans l'eau. Voilà, donc ça fait un peu peur. Qui a beaucoup de force. Hein, c'est... oui, voilà. Et du point de vue du dauphin, il est face à des individus qui crient beaucoup, qui ont une motricité qui est un peu entravée. Donc, ils n'arrivent pas à rentrer vraiment en interaction avec. Donc, il y avait beaucoup de cas où ça ne marchait pas parfaitement bien. Et notamment, le dernier coup, ça a été aussi tout ce regard qui est posé maintenant sur le bien-être de ces animaux en captivité. Donc, c'est vrai que c'est un peu remis en question et que on va peut-être privilégier plutôt des médiations avec des animaux domestiqués, genre le chien, les chevaux, plutôt que le dauphin. Qui sont davantage habitués à interagir avec nous. Alors c'est une autre question, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Que pensent les dindes de Noël ?» paru aux éditions Tana, où vous évoquez ce qu'on en disait tout à l'heure, l'éthologie constructiviste, où on vise à se mettre à la place de l'animal, à adopter son point de vue. Alors c'est une question compliquée, j'en ai conscience, mais comment est-ce qu'on peut travailler ça pour éviter de tomber dans l'anthropomorphisme et attribuer des émotions qui ne sont pas les leurs aux animaux? Parce que c'est un travers humain, bien sûr, on a envie, mais... Vous m'arrêtez peut-être, j'ai la sensation que des fois on peut faire des erreurs, on peut ne pas réagir de la bonne façon face à un animal parce qu'on projette des émotions qui sont les nôtres. Alors est-ce qu'on peut avoir des clés, quelques outils pour celles et ceux qui nous écoutent pour éviter ces travers-là? Alors c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir se départir d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains. Donc le monde que je vis, il est humain et en l'occurrence il est humain, d'une humaine, voilà. Donc, comment on peut faire? C'est essayer déjà d'oublier tout notre appareillage sensorimoteur. Donc, quand on imagine des dauphins, il faut oublier que leur monde est essentiellement visuel. C'est un monde qui est essentiellement sonore. Donc, nous déjà, voilà, c'est compliqué. C'est des animaux qui donc sont des experts non seulement en production acoustique, mais en traitement acoustique aussi. Ça, c'est différent. Donc, déjà, la première chose, c'est se départir de cette enveloppe corporelle qui est humaine, de tout notre appareillage sensoriel moteur humain, et essayer d'imaginer comment l'animal peut traiter les informations. Donc là, on est dans un studio d'enregistrement, toutes les deux, et je fais rentrer un chien, il ne va pas du tout vivre l'espace comme nous le vivons, nous. Donc... voilà, je pense qu'il va renifler, aller voir s'il y a des traces de nourriture. Donc c'est aussi un environnement qui est extrêmement olfactif pour lui. Donc on voit bien qu'il y a différentes perspectives qui se posent sur le monde. Mais ça marche aussi pour les humains, c'est-à-dire notre réalité, hein, elle est totalement différente. Donc pour moi, c'est assez naturel de se dire, je vais faire un pas de côté et regarder comment cette altérité vit cet univers-là. Après, au niveau des émotions, il y a quand même une continuité dans ses capacités à être ému, à avoir des états affectifs. C'est plutôt c'est pas une différence de nature, mais ça va peut-être une différence d'intensité. Et à chaque fois, je dis que pour accéder à l'autre, je suis obligée d'y accéder par mon référentiel humain. Après, je sais que les animaux ont des émotions. Ils peuvent ressentir de la jalousie, de la colère, de la joie, mais pas de nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop. Mais c'est là où s'arrête, en fait, cette analogie, homologie avec l'autre. C'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent, à l'ère des réseaux sociaux, on est bombardé d'images, de vidéos qui sont parfois modifiées, trafiquées. Est-ce qu'il y a quelques règles, on va dire, simples pour essayer d'aider les gens à détricoter le vrai du faux? Comment est-ce qu'on fait pour se dire: cette vidéo, elle a l'air très louche, je ne la prends pas en compte, même s'il y a une petite musique qui y est bien. Est-ce qu'il y a deux, trois règles d'analyse qui peuvent nous aider à y voir plus clair? Déjà, couper la petite musique. Là. La musique joue. Oui, ah oui, oui. Ah, oui, la musique, ça va nous mettre dans un état d'esprit qui est, voilà, genre, ah ouais, c'est spectaculaire, ou là là, c'est triste, ou là là, c'est super joyeux. Donc déjà, couper la musique. Et après, la règle pour comprendre un comportement, c'est d'avoir le contexte. et d'avoir la séquence finale du comportement. Donc, en général, on a un patchwork. On n'arrive pas à suivre l'individu, enfin l'animal, il est coupé, les scènes sont entrecoupées, donc on n'a pas du tout la chronologie. Et si vous n'avez pas la chronologie, vous n'avez pas la séquence comportementale. Donc évitez la musique, évitez les petits patchworks, les mosaïques, ça, ça ne marche pas. Et si vous n'avez pas la fin de la séquence, c'est pareil, hein, on ne peut pas expliquer. Oui, c'est vrai qu'on oublie, mais souvent il faut le contexte, même les animaux. Est-ce que c'est les animaux qui connaissent l'humain? Est-ce qu'il y a d'autres animaux autour? On peut pas savoir. En fait, on fait le focus sur un individu en particulier, mais vous ne connaissez pas du tout ce qui se passe autour. Quoi. Donc, c'est extrêmement compliqué, dangereux et faux, souvent. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, faites attention, les vidéos sur Internet, il faut s'en méfier. Ça ne veut pas dire que tout est faux, et des fois, certaines peuvent être utiles, mais il faut être prudent. Je me demandais également, c'est vrai que là on a parlé d'animaux domestiques, on a parlé de dauphins, des animaux qui sont très valorisés par l'être humain. Dans votre livre, vous évoquez aussi cette notion d'anthropocentrisme. On s'intéresse, et on aime et on pose des questions à des animaux qui nous parlent ou qui nous ressemblent. Est-ce qu'il y a de bonnes chances, est-ce que les mentalités évoluent pour s'intéresser à des animaux très différents de nous? Les insectes, les crustacés, les reptiles, les poissons. Est-ce qu'il y a de bonnes chances? En tout cas, est-ce que la marche de l'histoire va dans ce sens? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Bah oui, on n'est pas très très loin dans la boucle qui étudie le blob. Complètement. Donc voilà, je pense que les mentalités changent, les questions sont renouvelées. Et je crois beaucoup en cette nouvelle génération là, d'étudiants qui ont des préoccupations dirigées sur l'animal, qui posent vraiment des questions pertinentes sur qui sont les animaux et pas que sont les animaux. Et ça, j'ai vraiment de très très bons espoirs de voir changer les mentalités. On voit bien qu'il y a un éveil de la société de manière générale sur ces questions-là. Il y a quand même une préoccupation de la condition des animaux. Et j'espère que les scientifiques sauront se saisir de ça. Mais vraiment, la nouvelle génération, elle est prête à ça. Bon, c'est plein d'espoir en tout cas. Et donc on l'a dit, vous êtes également enseignante vacataire à l'école vétérinaire de Toulouse. C'est vrai que sur les questions de bien-être, souvent on fait appel aux vétérinaires, alors qu'ils ne sont pas forcément formés à l'éthologie. Est-ce que l'étude du bien-être animal gagne du terrain, et celle de noblesse, aujourd'hui auprès de ces jeunes vétérinaires, de ces disciplines qui n'avaient pas trop l'habitude de le prendre en compte, ou en tout cas que le bien-être physique et pas forcément mental? Est-ce que vous observez une évolution dans leur pratique aujourd'hui? Alors oui, notamment, c'est ce que je disais, je pense que cette nouvelle génération est extrêmement préoccupée par les questions environnementales, et dans ces questions environnementales, il y a la place de l'humain, la place de l'animal, ces relations d'interdépendance qu'on entretient avec l'animal, et ces professions-là qui se destinent quand même essentiellement à traiter des pathologies, des maladies, des problèmes des animaux, sont préoccupées par ce que sont ces animaux-là, comment se comporter avec eux, comment ne pas les faire souffrir. Donc, ils se posent des questions sur les élevages, sur les questions d'euthanasie, parce qu'ils peuvent aussi, dans leur pratique, être amenés à euthanasier des animaux. Donc, je les sens beaucoup plus sensibles, en fait. Et je pense que cette sensibilité a sa place, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle fait écho à la propre sensibilité des enseignants. Ce sont des questions aussi qui nous préoccupent et qu'on travaille. Donc, j'ai vraiment... Après, on n'a pas les réponses à tout, mais par ces échanges-là, par le fait que ça puisse exister, que ce soit encadré, justement, que proposer un cadre de réflexion et pas uniquement nourri par ce qu'on trouve sur Internet, notamment. Là, pour moi, je trouve que c'est intéressant d'accompagner cette réflexion sur la place de l'animal, notre rapport au vivant, etc. Et est-ce qu'il y a plus d'interdisciplinarité? Parce que c'est vrai que souvent, on se disait, il y a les éthologues d'un côté, les vétérinaires de l'autre. Est-ce que maintenant, les gens se mélangent un peu davantage, échangent sur leurs pratiques? Ça se fait plus? Oui, ça se fait plus parce que justement, en redéfinissant les concepts, on voit bien qu'on a de la physiologie, mais on a de l'éthologie. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une discussion entre ces disciplines. Tout cela aussi chapeauté par des questions philosophiques, d'éthique, etc. Donc, oui, il y a vraiment une trilogie là, qui se met en place. Bon, c'est plein d'espoir. Et pour finir, je voulais savoir, en ce moment, sur quel projet travaillez-vous? Alors, je travaille beaucoup sur le projet de thèse sur les lamantins. En parallèle, je travaille avec l'association Abyss à La Réunion, là, toujours sur ce projet-là. et aussi dans un projet art et sciences avec Aline Pénito sur le chant de la baleine à bosse. Et l'idée, c'est de voir comment ce chant aussi peut être un témoignage d'une émotion. Donc voilà, une nouvelle approche. Donc on parlait de pluridisciplinarité, et là j'y suis en plein de dedans. De croiser des regards, ouais, on y est complètement. Ouais, ouais. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas on a hâte de voir l'avancée de tous ces projets. Merci beaucoup Fabienne d'avoir répondu à mes questions et d'être venue nous présenter toutes vos missions. On finit par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller trois ouvrages et un site internet. Le premier livre est intitulé « L'incroyable destin d'Anita Conti, pionnière de l'océanographie », écrit par Fleur Dauget et illustré par Laura Pérez et Nancy Pena. Il est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Ce petit roman documentaire résume en 46 pages les mille et une vies d'Anita Conti, ses aventures sur toutes les mers du monde, mais aussi son engagement écologique. En plus de nous présenter les événements de sa vie sous forme romancée, Fleur Dauget a inclus des pages qui explorent l'histoire de l'océanographie, mais aussi celle de la photographie, la vie des requins ou encore les droits des femmes à l'époque d'Anita. Les très belles illustrations de Laura Pérez nous immergent complètement dans la vie de cette femme incroyable et nous font l'accompagner partout. Une très chouette entrée en matière, accessible dès 9 ans. Laurent Giraud-Conti, le fils adoptif qu'Anita rencontrait à la fin de sa vie, a cédé ses archives sonores et papiers, ainsi que ses objets, son mobilier et tout son fonds photographique à la ville de Lorient. Numérisés, ces clichés sont consultables gratuitement sur le site internet dédié à l'adresse anitaconti.lorient.bzh. C'est une plongée passionnante dans le quotidien des marins sous l'œil d'Anita. Je vous invite vivement à aller y farfouiller et je vous remets, comme d'habitude, l'adresse en lien avec le descriptif de l'émission. Je ne peux ensuite que vous recommander l'ouvrage de notre invitée Fabienne Delfour intitulé « Que pensent les dindes de Noël ? Oser se mettre à la place de l'animal » paru aux éditions Tana. Cet essai riche, très bien sourcé de près de 250 pages, vous pousse à la réflexion sur toute la complexité de la relation qui nous unit aux autres animaux. L'ambition de Fabienne, c'est de nous faire adopter un autre point de vue, de se débarrasser autant que possible de l'anthropomorphisme qui nous caractérise pour mieux appréhender comment tous nos colocataires habitent ce monde. L'autrice donne aussi de nombreuses informations sur l'éthologie en tant que discipline et sur le quotidien des scientifiques, ainsi que sur les dernières découvertes sur les émotions des animaux, et donne ainsi des faits et des clés pour pousser notre réflexion sur des sujets d'actualité, comme la captivité ou l'antispécisme. Un livre essentiel. Enfin, et pour finir, si vous voulez creuser le sujet de la cognition des cétacés évoqué avec Fabienne, je vous conseille de vous plonger dans l'ouvrage collectif intitulé « Intelligence des profondeurs, les dernières découvertes sur le monde incroyable des cétacés » paru aux éditions Belin et coordonné par Janet Mann. Ce très beau livre, souple de 192 pages, est une bible pour résumer, en français, les dernières découvertes sur les comportements des mammifères marins. Le livre est découpé en 8 chapitres, rédigés par des scientifiques spécialistes du sujet et qui évoquent aussi bien le cerveau des cétacés, leur cognition, mais aussi leur communication vocale, leurs interactions sociales, leur culture et leurs interactions avec les humains. Richement illustré de schémas et de photos, l'ouvrage, même s'il reste un poil académique, vulgarise les grandes notions découvertes avec clarté. C'est réellement un très bon outil et un livre de référence sur le sujet. Et c'est déjà la fin de notre émission. Le son de vagues et de Stern Kogek provient une fois de plus de la merveilleuse sonothèque de Joseph Sardin. Un grand merci à lui. Un très grand merci aussi à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenitpi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.